Il est dit que ce qu'on appelle l'esprit d'une époque est une chose à laquelle on ne peut pas revenir. Et si cet esprit se dissipe progressivement, c'est que le monde approche de sa fin. Aussi, même si l'on souhaite changer le monde d'aujourd'hui et revenir à l'esprit d'il y a 100 ans ou plus, cela ne se peut. C'est pourquoi il faut tirer le meilleur parti de chaque génération. Hip-hop, parce que bien sûr que c'est la voix des sages. Hip-hop, car on cessera de faire passer le message. Hip-hop, parce qu'il t'a dit hip-hop is dead. Non, jamais le hip-hop sera wanty. Hip-hop, parce que bien sûr que c'est la voix des sages. Hip-hop, car on cessera de faire passer le message. Hip-hop, parce qu'il t'a dit hip-hop is dead. Non, jamais le hip-hop sera wanty. That's true. We stand out like bird shit on a black shoe. That's true.